Chapitre 9. Le nuage sur la montagne. Inquiétude des deux enfants. Le courage ne consiste pas à ne point être ému en face d'un danger, mais à surmonter son émotion. C'est pour cela qu'un enfant peut être aussi courageux qu'un homme. Après un petit temps de repos, ils se remirent en route. Mais tout à coup, l'obscurité augmenta. Julien, effrayé, se serra plus près de son grand frère. Bientôt, les étoiles qui les avaient quittées jusqu'alors disparurent. Un nuage s'était formé au sommet de la montagne, et grossissant peu à peu, il l'avait enveloppée tout entière. Les enfants eux-mêmes se trouvèrent bientôt au milieu de ce nuage. Entourés de toutes parts d'un brouillard épais, ils ne voyaient plus devant eux. Ils s'arrêtèrent bien inquiets, mais tous deux, pour ne pas s'affliger l'un l'autre, n'osèrent se le dire. « Donne-moi ton paquet, » dit André à Julien, « je le joindrai au mien. Ton bâton sera libre, il me servira à tâter la route, comme font les aveugles. » Afin que nous ne nous heurtions pas aux racines ou aux pierres, j'irai devant, tu tiendras ma blouse, car mes deux mains vont être embarrassées, mais je t'avertirai, je te guiderai de mon mieux. N'aie pas peur, mon Julien, tu ne vas plus avoir rien à porter, tu pourras marcher facilement. Oui, dit l'enfant d'une voix tremblante, qu'il s'efforçait de rendre calme. Ils se remirent en marche, lentement, avec précaution. Malgré cela, André, à un moment, se heurta contre une de ces grosses pierres, qui couvre les chemins de montagne. Il tomba et faillit rouler du haut des rochers, entraînant avec lui le petit Julien. Les deux enfants comprirent alors le danger qu'ils couraient. « Asseyons-nous, » dit André, tout ému, en attirant Julien près de lui. « André, » s'écria Julien, « nous avons des allumettes et un bout de bougie. » Le garde a dit de ne les allumer que dans un grand besoin. « Crois-tu qu'il serait dangereux de les allumer maintenant ?»« Non, mon Julien. » La brume est si épaisse que notre lumière ne risque pas d'être aperçue et d'attirer l'attention des soldats allemands qui gardent la frontière. André, en achevant ces mots, alluma sa petite bougie, et Julien fut bien étonné de voir quelle faible et tremblante lueur elle répandait au milieu de l'épais brouillard. Pourtant, on se remit en marche aussitôt, car il fallait être en France avant le lever du soleil. Julien, qui n'était plus embarrassé de son paquet, prit la bougie d'une main. Et la protégeant de l'autre contre le vent, il avança, non sans trébucher souvent, sur le chemin pierreux. Ce qu'André craignait surtout, c'était de s'être égaré au milieu de la brume. Au bout de quelques instants, il prit le papier sur lequel il avait marqué le plan de sa route, et, suivant du regard la ligne qui devait lui indiquer son chemin, il se demanda « Est-ce bien cette ligne que je suis ?» Puis il dit à Julien « Si nous avons marché sans nous tromper, nous devons être assez près d'une vieille tour en ruine. « Mais je ne la vois point. Toi qui as d'excellents yeux, regarde-toi-même, Julien. » Julien regarda, mais il ne vit rien non plus. Ils reprirent leur marche, cherchant avec anxiété à percer du regard les ténèbres, mais ils n'apercevaient toujours point la vieille tour. De plus, la bougie touchait à sa fin. Elle s'éteignit. Les deux enfants n'avaient plus qu'un parti à prendre, s'arrêter, attendre. Le nuage sur la montagne. Les nuages sont formés de la vapeur d'eau qui s'échappe de la mer, des fleuves et de la terre. Ils ne sont pas toujours très élevés en l'air. Fréquemment, ils se traînent sur les montagnes et on les voit flotter sur leurs flancs. Les voyageurs qui gravissent une montagne entrent souvent dans les nuages. Ils se trouvent alors au milieu d'un épais brouillard et courent le danger de se perdre.